Quand arrive un problème électrique, on est souvent désemparé. Alors, ne cherchez plus. Il y a les électriciens du Nord, 1025 Première Avenue, l'Ascension. Notre spécialité, les installations commerciales, résidentielles ou industrielles. Une équipe d'expérience qui est disponible. 40 ans dans notre milieu. Vous le savez, on ne joue pas avec l'électricité. Faites confiance à des pros. Contactez immédiatement les électriciens du Nord, 88-347-5103. Toute notre équipe on va salue parler de le mois de l'arbre on sait que et de la forêt. On en parle à toutes les semaines dans radiosport.com, puisqu'il y a une course à quasiment toutes les semaines. C'est le circuit de cœur genois d'Alma qui organise des courses à pied, des compétitions un peu partout au Saint-Lac-Saint-Jean. Question de savoir un peu comment que ça va le circuit. Ça doit bien aller, parce que si on suit aux compétitions, on parle avec la présidente Bernadette Girard. Bonsoir, Madame Girard. Ah, bonsoir. Madame Girard, comment ça va, évidemment, cette année, le circuit autocar genois? J'imagine que ça va bien, parce que le sport de la course à pied est vraiment en pleine expansion, là. Oui, ben oui, effectivement. Oui, ça va très bien. Je vais d'abord rectifier votre titre. C'est l'Association régionale de course sur route Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là. C'est okay. Pas d'Alma, c'est dans tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ah, OK, OK. Et de un. Oui, ça va très bien. La course à pied, ben, c'est un sport, dans le fond, qui est accessible à monsieur, madame, tout le monde. Hein. Le circuit qu'on a, nous, c'est un circuit, c'est un circuit de compétition, mais c'est un circuit où chacun peut y trouver sa place. OK. Alors, on a au niveau du circuit, 21 courses. Là, cette année, il y en a une qu'on a perdue. Mais, ah oui, où? C'était la 10 de cœur. La 10 de cœur, c'est une course bénéfice pour les maladies du cœur à Saguenay. OK. Et puis, ils ont décidé d'entrer d'emblée, dans le fond, de quitter l'organisation du calendrier course régionale. Mais en fait, nous, au niveau du circuit puis l'ensemble des organisateurs, 20, on voudrait descendre à 20 courses. Ah, OK. Alors, on a 21 courses. Donc, 20 courses, là, c'est quand même c'est un très beau calendrier. C'est un très imposant calendrier. Ça s'étend du mois de janvier, fin janvier, des fois c'est début février, jusqu'à la mi-octobre. Oui. Pourquoi 20 courses? C'est-tu les coureurs qui vous ont demandé ça? C'est-tu vous qui avez décidé, le membre du CIA? C'est qui a décidé ça de baisser à 20 courses? C'est l'ensemble des organisateurs de course. OK. Mais c'est aussi, c'est assez imposant quand même, ouais. Un calendrier de 20 courses. Hein. C'est beaucoup d'organisation. Ouais. C'est beaucoup d'organisation. Puis les coureurs, tu sais, des fois, il y en a, comme vous l'avez dit dans cette jeu, de toute façon, dans votre introduction, il y en a pratiquement toutes les semaines. Alors, il faut faire rouler ça, ces activités-là. Puis, ouais. Ça tombait aussi toujours sur les mêmes clubs, les clubs reviennent toujours assez régulièrement. Club Janois, Club Jacquot, Dolbeau, vous en avez une, Saint-Frissier en ont une, Robertval en ont une. Alors, tu sais, les clubs bien organisés, je dis pas que le Club du Mille, c'est pas un club bien organisé, au contraire, c'est un club qui est il est très actif, là, mais tu sais, depuis quelques années, parce que dans le fond, ils ont repris là, avec le Club du Mille, mais il y a des années où on avait que quelques participants là, qui prenaient la relève des courses dans le haut du lac, entre autres. Oui, oui. Mais est-ce que c'est beaucoup d'organisation? Une course, c'est-tu beaucoup d'organisation? C'est sûr moi, je donne les résultats, mais j'imagine que c'est quand même beaucoup d'organisation autour de ça, là. Ben, on a une charte quand même qui oblige les organisateurs de courses à respecter certains critères, la mesure des parcours, la sécurité sur le parcours, une organisation, on exige aussi beaucoup des pointeurs aux endroits stratégiques, un lunch à la fin, un service de repas à la fin de l'activité. Mais vous savez, de plus en plus, là, on est confiné avec nos courses là, à l'extérieur des lieux de là où il y a beaucoup de trafic. Je vous donne un exemple. On était très, très présents à Alma avec des courses, avec le club genois. C'est un club qui a beaucoup d'expérience, puis qui faisait beaucoup, qui fait beaucoup de ils ont quand même 9 courses intégrées au circuit. On avait beaucoup de visibilité, puis on attirait beaucoup de nouveaux coureurs parce qu'on courait dans l'avenue du pont. En tout cas, on était quand même très visible. Ouais. Et puis là, depuis 2 ans, on ne veut plus nous voir dans les rues, là, dans les municipalités. Là. On nous confine dans les coins, là, dans les rangs où il n'y a personne qui passe. Puis, c'est ça, parce que la sécurité, les policiers, ça arrivait toujours, ça demande trop de policiers, les conventions collectives, etc. En tout cas, bref, pratiquement toutes les courses qui ont lieu à Alma maintenant, ils ont lieu à Damanterre, là, où on passe un piste cyclable, puis... il y a beaucoup de réglementations qui nous sont imposées là, depuis plusieurs années là, parce que justement la sécurité par les policiers c'est trop imposant puis ça fait faire du temps supplémentaire puis en tout cas vous comprenez. Oui, je comprends très bien. Dites-moi au niveau de la compétition c'est toujours les mêmes. Moi je connais bien Marie-Claude Brassard, je connais bien Sylvie Lavoie, c'est des gens de mon village qui viennent de Saint-Augustin. Dites-moi, mais c'est assez compétitif. Hein? En fait, c'est un circuit qui peut être ce qu'on veut, dans le fond, quelque part. Il y a des coureurs, puis ça existera toujours. Des coureurs qui sont très performants, qui calculent leurs points, qui sont très compétitifs, dont entre autres Marie-Claude, bien sûr. Mais aussi, il y a monsieur, madame, tout le monde là, qui compétitionne pour le social, puis pour le plaisir. Oui. Puis, si vous sortez les temps, là, regarde, il y en a qui font pas de ça une compétition. Ils font partie du circuit par plaisir, par intérêt, parce que ça les motive de continuer de courir, etc. Tu sais, Il y a combien de coureurs en moyenne par course? Ça dépend. On peut pas considérer que c'est. Cette année, les 50 ans des Pichoux, on a eu 2000 participants, puis Mario a dû en refuser. Là. Mais normalement, les Pichoux, ça tourne autour de 1400, 1500 coureurs. Ensuite, je vous dirais qu'il y a des grosses courses, comme la course de la traversée, c'est où il y a beaucoup de participants à Robertval. Il y a la 10 de cœur qui en avait quand même plusieurs aussi, 400-500 participants. C'est des personnes qui on n'inclut pas le 1 km et le 3 km. Mais par exemple, mardi dernier, on avait la course, ça s'appelle excusez-moi, j'essaie de trouver la petite randonnée. Il y avait quand même 400 jeunes qui partaient. Mais c'est bon, ça? La course de la relève à Delbeau, ça va être l'enfer. Ce sont des courses scolaires où les jeunes sont. Je vous dirais que la course à relève, c'est une des courses où il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'initiations. Les jeunes, on demande beaucoup, beaucoup d'intérêt par rapport à la jeunesse, puis les intégrer au circuit. C'est des courses qui sont vraiment intéressantes. Toutes les courses sont intéressantes. Je ne peux pas me faire remarquer de dire une chose à l'un et pas à l'autre. Là, mais on est quand même entre 4500, 5000, 5500 compétiteurs par année là, pour les courses de 5 et 6 km. Oui. Dites-moi, du côté de... Parce que je faisais une entrevue jeudi, mardi avec Paul Morel. Paul Morel me disait qu'il y a un travail actuellement. Vous êtes en discussion pour avoir il y a un demi-marathon l'an prochain de Beaubussessy, puis il serait annexé à votre calendrier. Vous s'en est rendu du côté de l'association? Est-ce que vous êtes vraiment pour parler avec Paul là-dessus? Notre répondant, c'est Pierre-Luc Ménard, parce que c'est comme gestionnaire, si on veut, organisateur de la course de la relève. Comme je vous disais tantôt, on veut descendre à 20 courses. Ouais. Donc, c'est sûr. Il y a comme dans ce jeu, la course de la relève, c'est celle qui est priorisée. Elle a son droit de rester en place à Boumstassini. Quant à l'ajout de demi-marathon, je sais que j'en ai entendu parler, on a eu quand même cette publicité-là au niveau de l'Assemblée des organisateurs de course. Mais il faut que ça soit voté par l'ensemble des organisateurs de course. il faut qu'on ait vraiment un projet, mais un projet, c'est pas que le projet soit pas intéressant, là. Mmh. C'est juste qu'il faut trouver l'espace pour la mettre, la course, là. Ouais. On est régi pour ne pas mettre, quand il y a une course qui est, puis il y en a un autre, quatre jours, ça prend un décret spécifique des organisateurs de course pour l'accepter. OK. Donc, c'est quand même, c'est pas complexe, parce qu'on veut pas le voir complexe, mais il faut quand même que l'ensemble des organisateurs de course, faut pas qu'une course intègre un circuit puis nuire à l'autre non plus, tu sais. Mmh. Faut pas distribuer non plus ce qu'on a. Ce que les courses qui sont là présentement, sont des courses qui sont là depuis longtemps. Et puis, il faut les consulter pour en mettre un autre à leur place. C'est assez complexe. Puis, une association. L'association est régie par l'ensemble des organisateurs de courses. Alors, il faudrait avoir un décret vraiment là, voté par l'ensemble des organisateurs de courses. Mais au moment où je vous parle, on veut, nous, au niveau de l'association, arrêter notre circuit à 20 courses. Okay. Et là, on en a 20. Et okay. Vous voyez, cette année, la course de la 10 de cœur a décidé d'elle-même de sortir du circuit. Ben, ils ont eu deux fois moins de participants. Ben, c'est sûr. Je pense que les coureurs n'y ont pas participé. C'est sûr. Puis vous savez, il y en a une multitude de courses, hein? Ben oui. La course des deux, la course des filles, la course des autres, la course qu'on des couleurs, il y en a vraiment beaucoup. Mais c'est des courses où c'est des courses de levée de fonds, hein? Ben oui, c'est sûr. Ben, Madame Girard, gros merci. C'est fun de voir quand même que votre association est vraiment en santé. Puis au plaisir de se parler. Bon, on va continuer de parler avec Marie-Claude, de Sylvie Lavoie, de Claude Gilbert et des gens du Haut-du-Lac. Oui, en passant, ils sont tous des fidèles compétiteurs. Claude a fait une course la semaine passée là, à la petite randonnée. Là. C'est assez spécial pour Bono. C'est vraiment intéressant de voir des gens. Puis moi, j'adore ça aussi de voir de plus en plus de membres du Club du Miel, même le Club du Miel qui est rendu avec un volet aussi à Robertval. Alors, je trouve ça vraiment, vraiment génial. Là. Puis, moi, je vais faire tout à mon pouvoir là, pour intégrer d'autres courses. Je dis tout à mon pouvoir, mais je ne suis pas la seule à décider. Ben c'est non, quand même une association qui est soutenue par des organisateurs qui sont tous bénévoles. Alors, si la relève veut prendre si le demi-marathon veut s'intégrer au même titre que la relève, ben écoutez, il y a des pourparlers qui peuvent se faire. On ne sait jamais. Hein. Oui, effectivement. Ben, Madame Girard, merci beaucoup pour le plaisir de se parler. Merci beaucoup. Bernadette Girard de l'Association des coureurs du Saint-Lac-Saint-Jean.